energy, fun, Skyrock. No. Galaxy, the one and only for you. Sur Galaxy. sur Galaxy. Galaxy. Michael H sur Galaxy. Galaxy to the paradise. It's Michael H. We'll be right back. H sur Galaxy. Galaxy. We'll be right back. Yeah. DJ Mickaël H sur Galaxy. Mickaël H. DJ Mickaël H sur Galaxy. Galaxy. DJ Mickaël H sur Galaxy. We'll be right back. H sur Galaxy. Radio Galaxy. We'll be right back. DJ Michael H sur Galaxy. We'll be right back. sur Galaxy. PLH sur Galaxy. Radio Galaxy. Thank you.

DJ Michael H sur Galaxy. LH sur Galaxy. We'll be right back. sur Galaxy. Radio Galaxy. expositions et animations à l'occasion de la Fête de la Science, actuellement jusqu'au 24 octobre, à la Bibliothèque Municipale du Centre de Waterloo. À fond la science, venez découvrir et savourer les plaisirs de la cuisine d'un point de vue purement scientifique. Artistique et ludique, cette manifestation est destinée au plus grand nombre dès 6 ans. Horaire d'ouverture 03 20 81 66 38. L'exposition 20 ans de découverte archéologique est visible jusqu'au 16 décembre au Musée des Arts et Traditions Populaires de Waterloo. Une occasion unique de découvrir les trésors enfouis dans le sol de la ville et celui de notre belle région Nord-Pas-de-Calais à travers objets, photographies mais aussi documents multimédia. Entrée libre, horaire d'ouverture 03 20 81 59 50. Spectacle jeune public, le journal de la Grosse Patate, mardi 9 octobre 18h30 au Centre socio-éducatif de Waterloo. Proposé par la Manivelle Théâtre à partir de 8 ans, Grosse Patate nous parle de son CM2, ses complexes, camarades de classe, maîtresse, de manière drôle et touchante. Renseignements 03 20 75 85 86 ou lamanivelletheatre.com. Le rendez-vous incontournable des amateurs de la langue picarde et des adeptes des idiomatiques en mouvement. Réservation comme toujours, Office de Tourisme, 189 rue Carnot, Waterloo ou 03 20 75 85 86. Retrouvez toutes ces infos et bien d'autres encore sur galaxyfm.com, rubrique Info Régionale Galaxy.